Lainey. Bonsoir Lainey, comment ça va? Toujours aussi coquette? Ah, oh, la petite coquette, Lainey. Oh. Lainey? Lainey, ma chérie? Oh, quitte pas ton moulin. Lainey, ma chérie, pourquoi es-tu devenue ce premier amour? Lainey, ma chérie. Bon, ok, Lainey, aimes-tu la vie comme moi? Non, mais aimes-tu les quiz? Les quiz, Marlainey, les quiz, les beaux quiz, hein? J'en ai un pour toi. Alors, c'est pas compliqué. Quel est le fruit défendu? A, la cerise. B, la banane. C, la pomme. Ou D, aucune de ces réponses. Alors, tu vas 10 secondes de réflexion. Money. J'ai pas dit 10 minutes, hein? 10 secondes? Parce que 10 minutes, c'est pas long. 10 secondes, c'est long, hein? Ah, oh, surtout à la radio. Alors, Lani, avez-vous une réponse? Pouvez-vous me dire quelque chose? Allô? Lainey. Oui. Alors, oui, je sais que c'est vous, Madame Lainey, mais j'attends votre réponse. Ah, elle veut pas répondre. La coquine, la coquine. Alors, vous à la maison, quel est le fruit défendu? A, la cerise. B, la banane. C, la pomme. Ou D, aucune de ces réponses. Oh, ça, pas de chicane. Non, ici, c'est l'amour universel. Oui. Pour vous, c'est la cerise. Pour Beko, c'est la rose. Mais non, mais non. Mais non, c'est la pomme. Mais non, Adam croquait croque la pomme. En tout cas, c'est nous de ça. Ensuite de ça, vous savez. Moi qui suis un ancien laveur de vitres, j'en essuie encore les traces. Oui, il y a beaucoup d'essuie là-dedans. Oui, et je suis prêt à commencer l'émission de cette belle journée, de cette belle nuit en passant, du 13 novembre 2023. S'il vous plaît, l'Orchestre symphonique de Limoilou, c'est à vous. Aujourd'hui, le lundi 13 novembre 2023. Monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at LA. attention! Facebook! Hey, monsieur! Monsieur, s'il vous plaît, c'est le temps, non pas d'une chanson, mais un début d'introduction. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Mais les intros ne font pas ça, eux. Savez-vous quand c'est comment tout ça a commencé, l'histoire des extraterrestres puis l'envahissement de notre Terre par des ennemis là, venus d'ailleurs? C'est pendant la guerre froide. Il faisait moins 40 dehors. On était au mois de juillet, c'était quand même assez rare, là, mois de juillet, moins 40, et puis on appelait ça la guerre froide. Ah mon Dieu, c'était pas si chaud que ça. Et puis, ben en fait, c'est les morts, hein? Les morts, ben on sait bien qu'il y a un corps qui est mort depuis quelque temps, ben il est froid, donc imaginez-vous des millions de morts, pour ça c'est la guerre froide, là. Et puis, donc, on faisait peur au monde. La chasse aux sorcières, là, oui, le burger sauvage. Oui, les deux quadrillés et l'enfant qui riait. Ça, ça n'a rien à voir avec la guerre froide, non. Et puis, donc, là, il fallait faire peur au monde, là. Il fallait faire peur aux gens qui étaient des terriens, eux. Fait que, vous savez que la Russie était quand même un pays où on ne connaissait pas grand-chose. Donc, quand on ne sait pas des affaires, on en invente. Quand on en invente, on peut fabuler. Et quand on fabule, on peut aller très loin. Donc, il y a des gens de science-fiction qui, eux, ont commencé à écrire sur des êtres venant d'ailleurs qui atterrissaient sur la Terre, et plus précisément à Limoilou, parce que le plus grand nombre d'extraterrestres sont à Limoilou, vivent à Limoilou, oui. Au moins la 3e avenue. Il y en a-tu sur la 3e avenue des extraterrestres? Ah, bon, à 2h du matin, là, hiver comme été, printemps comme automne, vous allez en voir quelques... Il y en a qui sont, oui, très violents, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur Terre. Et puis, bien, c'est de là qu'est venu les extraterrestres avec nos grands dramaturges de science-fiction. Qui après ça, il y a eu le cinéma de série B. Et puis, c'est merveilleux quand on connaît ça. Alors, 2 heures et plus à travers l'errance rénaldienne. Et voici le pitre qui change les chapitres. Ah oui, vous, OK, là, vous essayez de dire que je ne crois pas aux extraterrestres. Vous avez 100% raison. 2 heures et plus à travers l'errance rénaldienne, et voici le pitre qui change les chapitres, mais j'ai un grand respect pour vous qui y croyez. Diégétique, pardon, on ne comprend pas rien, hein? On ne comprend plus rien. Par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. À travers 2 heures, à travers n'importe qui, à travers Mme Thibodeau, là, je vois l'amour universel. L'universalité a toujours sa place. Hein? Aimez-vous les uns les autres, puis laissez-moi tranquille. 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant, gagne. Et savez-vous que... Moi, j'ai connu Jim Morrison en 72. Il m'avait invité à son spectacle, et puis c'est là que, malheureusement, ma copine m'a quitté pour lui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi que moi je n'ai pas? De un, elle m'a dit froidement comme ça, même avant, après la guerre froide, froidement, elle était froide avec moi, puis elle était chaude avec lui, puis elle prenait 2-3 bières, puis elle était comme Dieu, mais elle était chaude, puis après ça, elle ne savait pas si elle était gelée ou était chaude. Oh mon Dieu, une belle histoire d'amour. Et ouais, elle m'a dit, avec lui, c'est vraiment l'aventure, avec toi, ben c'est de l'acquis. Ça, oui, c'est du quotidien. C'est, y a rien d'explosif. On sait très bien où on s'en va. Le lundi, pour déjeuner, comme tu dis tout le temps, c'est du spaghetti. Le mardi, pour déjeuner, comme tu dis tout le temps, c'est du spaghetti. Mercredi, pour le déjeuner, c'est quoi? C'est du spaghetti. Jeudi, pardon, on se rend là jusqu'à dimanche. 7 jours sur 7, le matin, au réveil. Le réveil, Jim Morrison, lui, il se réveille à 14h et comme disait Jean-Pierre Ferland, « Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie tout à l'envers? » Il a bien raison, je l'embrasse, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je parle tout le temps de toi. Et puis, dans ma copine de John, avec lui, on ne sait pas si on mange du homard au déjeuner ou on mange 2-3 claques à baboune. T'sais, Jim Morrison, je parlais avec lui, on était avant sa mort des grands copains. Et puis, je l'ai aidé à écrire quelques chansons. My Fire, c'est moi aussi. Des in the end, ben c'est moi qui ai écrit ça. En français, fait que c'est ça. Lui, dictionnaire anglais-français, là, bilingue. Lui, il aimait bien ça, le bi. Oh mon dieu. Il était bidimensionnel. Oui. Il s'était déjà écarté de la Terre. Il voulait abandonner la croûte. Ah, il n'aimait pas ça, la croûte. Il s'étouffait avec ça. Hein? J'ai dit, quand tu coupes ton pain, enlève-la. Mets ça dans le grille-pain après. Parce que si tu la fais cuire avec la croûte, après, là, ça va tout se défaire. La mi, puis la demi-mi, puis la mi-mi, la mi-mi, le mi. Il n'aime jamais sa note, puis il ne veut pas l'être. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renadienne, c'est l'émission. Avancez-vous, là. Parce que c'est un scoop. C'est sûr que ça se divulgue uniquement à mon émission, là. Jim disait, Errance Renadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Moi et Jim, là. Des grands amis. On a eu du plaisir. On riait des autres. Monsieur le Président. Monsieur, il n'est pas trop catholique. Et cathodique, sans doute. Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Je roule mal. Mon moteur est fatigué. Il est très pour un lundi, il est fatigué. Il s'use, hein? Mon moteur s'use. C'est un peu de la faute à Suzette, effectivement. Alors, bienvenue à la maison de francophone. On l'a. Hein? Y a-tu des effets spéciaux? On a-tu du budget ce soir? Êtes-vous heureux? En ce jour fatidique, fais pas peur au monde. Fais pas peur au monde. Au jour le jour, hein? Au jour le jour. L'Errance Renadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Après ce qu'il va jouer, on va faire un atelier d'improvisation. Oui, l'atelier s'appelle La phrase, l'amorce, le récit. Pas l'amorce, parce que ça, c'est le morse. Mais là, c'est l'amorce. Vous savez, là, quand on a, pas une bombe, mais un explosif, ben, la mèche, c'est l'amorce. Alors, la phrase, l'amorce, le récit. Après, un groupe mythique, bien sûr. Pas les Pet Shop Boys, mais The Bitch, oui. Son of a bitch. Les biches. Les biches et les pichonnes. Les balles et les ballonnes. Et les Beach Boys. When some loud bragger tries to put me down and says his school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. For football and track, I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my decal and badge, so be true to your school. Up on the football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now. My girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school. Just like you would to your girl. Be true to your school. Let your colors fly. Be true to your school. Push it back, push it back. Partez pogné, Gaétan, la partez pogné! Oh mon, dans ce beau lundi, c'est pogné, ben dur! C'est pogné, pogné, ben dur! Oui, c'est pogné, pogné, ben dur! Oui, c'est pogné! Pogné, pogné, pogné! Voilà. Alors c'est l'atelier, la phrase, l'amorce, le récit, pas le on l'a dit tantôt. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Alors, le bout de phrase qui risque de nous animer pendant 5-6 heures, là, on va tout tosser les émissions, là. Là, on est prêt, on a fait affaire avec 2-3 camions de déménagement, et puis dans chaque camion de déménagement, il y a 3 déménageurs. On va tout pousser le temps, on va pousser les émissions, on va amener ça à une autre heure, peut-être même au lendemain. Ah oui, là, je vais pas appeler là, mon directeur de la programmation, là. Je voulais faire une surprise, j'aime ça les surprises. Ah! Quand tu as vu que mon émission était encore sur les ondes, il était surpris. Oh, mon Dieu Seigneur! Aussi surpris que moi. À chaque fois qu'on me renouvelle, je dis « Ah oui, bravo! » Puis en même temps, c'est bien parce que je vais voir des artistes là-bas, là, puis je me sentirais un peu mal à l'aise de ne pas les diffuser. Je serais tellement malade. T'entends, je serais mal à l'aise. Je serais mal à l'aise. Et puis, bon, la phrase, là, le fil Ariane, là, qui va nous... Parce que là, on n'a pas encore été propulsé. On dirait pas, hein? Non, mais c'est comme ça. Le fil, c'est l'homme qui se prenait pour un sandwich. Ta phrase est bizarre. Ton émission aussi. Félicitations, mon torchon. Vas-y, lance-toi là-dessus. Ah, ben écoute, il y a plein d'idées qui m'arrivent lorsque je lis l'homme qui se fait prendre pour un sandwich. Il va se faire manger. L'homme qui se prenait pour un sandwich. Alors, c'est bien sûr un verbe. Le verbe prendre à l'imparfait. Alors là, c'est parfait, c'est très parfait. Pour un sandwich. Donc, savez-vous d'où vient la sandwich? De l'homme sandwich. L'homme sandwich, ça, c'est un bonhomme qui se promenait dans les rues. Puis il y en a qui se promènent. Il y en avait un sur les plaines d'Abraham là, qui avait été, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Hey, ça fait longtemps. S'il est encore vivant, salut mon ami, il doit écouter ses KRL parce que ça avait l'air d'un marginal que j'adorais. Il se promenait avec une pancarte avant et arrière. Donc, c'est ça, un homme sandwich, hein, c'est avec une écriture pas juste en avant, en arrière. Et ça parlait de ses conditions, qu'il avait été expulsé de son travail. Il trouvait ça abominable. Il a fait ça pendant des années et des années et des années. Il se promenait au palais de justice, mais sur la rue du palais de justice, constamment. Hey, faut-tu croire à ses opinions? Ça, c'est merveilleux. Bravo. Ça compense pour ceux qui n'ont pas de... qui n'ont pas l'heure, qui n'ont pas l'heure juste. Non, mais qui n'ont pas d'effervescence, qui ne croient pas à une cause. Lui, il croyait à sa cause. Et puis, alors, l'homme salousse ne vient pas de ce monsieur-là. On va l'appeler M. Sardwich. Non, M. Sardwich, lui, il avait une idée, c'était de la défendre, c'était la sienne, personnelle. Il trouvait ça, c'était l'injustice. Mais aujourd'hui, mais même avant M. Du palais de justice, pas le palais de justice, mais de l'hôtel, pas de l'hôtel de ville, mais pas loin de l'hôtel de ville. Oh, ouais, c'est très près. On appelle ça communauté, non, avec les ministres, les premiers ministres. Le palais de justice, mais non, le palais de... En tout cas, où les gens vont... j'ai un blanc. Peu importe. Je vous en ai parlé tantôt, il y a quelques minutes. Mais avant lui, le but de l'homme sandwich, c'était d'amener de la publicité. Alors, il se promenait, il était payé. Lui, ah oui. Et puis là, à un moment donné, il y a un bonhomme qui avait vu ça. Puis qu'il y avait deux tranches de pain, puis tu sais, qui avait faim, puis qui s'est dit que je vais amener de la nourriture à mon bonhomme là-bas, là, que je vois se promener tout le temps, avec une pancarte en avant puis en arrière. Fait que là, il met du beurre. Après ça, ben, il prend deux tranches de pain avant, là. Pain brun, là, c'est bon, mais à l'époque, le pain brun, ça n'existait pas, je pense. On va prendre du pain blanc. Pain blanc, là, ça, un pain brun, ça. On va se le dire, définissons le pain brun, c'est pour les femmes. Bon, là, quand tu t'en vas dans le multigrain et tout ça, là, ça, c'est, ça sent le VG, là. Ça sent la... Ah oui, là, la fille qui... Ah, yoga, puis tout ça, c'est merveilleux, là. Elle prend soin d'elle et c'est ce qu'il faut. Un esprit sain dans un corset. Et, ben non, je vous en... C'est pas vrai. C'est de la petite provocation de fin de semaine, là, de fin de semaine. Ben oui. Toi, là, pendant que ton mari buvait sa grosse bière et tu prenais ta limonade, faite maison, bien sûr, pas de limonade industrielle avec du sucre à n'en plus finir. Il y en a qui boivent tellement de limonade qu'ils se réveillent le matin avec de la cassonade dans les oreilles. Ça, c'est pas très bon. C'est un signe, là, qu'il faut arrêter. Pas la cassonade, parce que t'en prends pas, c'est la limonade. Elle se vire en cassonade pendant la nuit. Puis toi qui dors mal, gauche-droite, là, quel là, dois-je être à gauche, à droite, je te conseille la gauche. Ah, ça dort bien mieux. L'oreille est plus molle. Et oui, puis le rêve est plus vagabond. C'est une liberté absolue. Tandis que la droite, là, t'es comme plus dans l'armée, plus raide. Puis quoi que ça dépend. Avant de te coucher, c'est bien d'être raide. Puis tu te ramollis un peu, là. Parce que si tu te ramollis pas, ça risque d'être difficile. C'est pour ça qu'ils disent arrêter 3 heures avant. Bon. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là, 3 heures avant? Ouais, la petite pilule bleue. Il y a bleu, blanc, rouge? Ah, je savais pas ça. C'est une pilule française? Ça, hey, avant même que tu l'ingurgites, là, tu ouvres. Tu ouvres le réceptacle, puis ça se met à jaser, ça. Ah, mon Dieu, il y a des klaxons. Il y a des... Ah, ça rouspète. Mais non, mais c'est la version française. Et oui, donc, le bonhomme qui s'est dit, je vais m'en faire une, il ne savait même pas comment appeler ça, puis je vais y en faire une à lui. Donc, il prend son pain blanc, 2 tranches de pain blanc. Tu sais, un pain heureux de vivre en société, puis surtout au Québec. Ça fait que là, il étale ça de chaque côté, puis sur un bord, il met du beurre. Fait qu'il met du beurre sur un bord, comme il en fait deux, après ça, il met encore du beurre sur l'autre bord, parce que pour la deuxième... mais juste sur un bord, hein, attention là, parce que c'est 2 sandwichs. Bon. Et puis après ça, de l'autre côté, il dit, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, je vais mettre de la mayonnaise, l'invention de la mayonnaise, là, hein, c'est qu'un bonhomme, il y avait de la farine, puis un peu du vinaigre, puis tout ça, puis ça a tombé par terre, puis là, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, il a mis ça dans un bol, il l'a brassé, il l'a secoué un peu. Oui, on peut appeler ça comme vous voulez, là. Bon, alors, il l'a fouetté. Et après ça, ça peut faire quelque chose, là. Là, il ne savait pas si ça pouvait devenir de la colle ou une nouvelle matière que l'on appelle de la garniture. Donc, il goûte à ça. Ah, mais comme c'est pas collant, mais c'est un goût... Comment... Ah oui, c'est pas visqueux, ça glisse, ça s'infiltre dans la gorge avec un plaisir fou. Oh, mayonnaise! Mayonnaise! On va appeler la mayonnaise! On va appeler ça de la mayonnaise! Ah, le gars, là, hein, il toute sa journée, mayonnaise, hein, j'ai inventé de la mayonnaise! Mais là, il a essayé de faire de la composition, mais comme il y avait. Oui, il avait échappé hein, de la farine, du vinaigre à terre, puis tout ça. Il dit, oh non, ma mayonnaise est unique. Fait que là, il a fait des essais, tu sais, puis des réussites, puis à un moment donné, il a dit, OK, un demi-litre de vinaigre, bon, de la farine, tout ça, puis bon, agitez bien, touillez, ma bande d'or, touillez! Touillez là, tout est là, la recette, et puis. Tu peux la faire maison, mais il y en a de la version industrielle. Bon, les puristes diront, oui, j'entends deux voix là actuellement. J'entends mon ami Jean-Pierre Coffe qui gueule, et j'entends aussi un Québécois qui était dans une émission de voyons donc, oui, il avait fait un livre là. Pinard, Monsieur Pinard, j'entends Pinard qui gueule aussi. Pinard, puis l'autre, là, Coff. Quelle belle. Hey, moi, j'aurais aimé ça les voir ensemble. Ça aurait fait une émission exceptionnelle. Enfin, bref. Alors là, d'un côté, hein, comme il y a deux tranches de sandwich, pas parce que, hein, il y a deux personnes. Beurre, de l'autre côté, la mayonnaise, qui est un accident, comme un peu le nom de la sandwich. Puis après ça, il dit, qu'est-ce que je mets comme viande froide? T'sais, viande froide, là aussi, c'est quand un artiste va mourir. Bon, il y a des journalistes qui préparent la mort avant qu'elle arrive. Bon, tu sais, comme là, actuellement, je me sens pas très, très fort. Je suis sûr qu'il y a Le Devoir et Radio-Canada, puis surtout, ouais, Radio-Canada, mais Canada-Québec. Cadenas-Montréal, un peu moins, parce que j'ai parlé de. Oh mon Dieu, oui, à une certaine époque. Pas contre, là, mais d'un certain animateur du matin, du samedi, du dimanche. Oui, elle connaissait. Il bougonnait tout le temps, mais en tout cas, là, il nous manque, lui, là. Moi, en tout cas, moi, il me manque le dimanche, parce que. Puis le samedi. Parce que j'avais une raison de comprendre plein d'affaires. Il y avait Francine Grimaldi, il y avait Edgar Fruitier, il y avait. Oui, j'ai aucun commentaire, Madame la juge, aucun commentaire. Et puis, il y avait du sport. C'était drôle, c'était rigolo. C'était à la bonne franquette. Aujourd'hui, la bonne franquette, ça existe, oh oui, mais il faut la connaître. Il y a Curieux Bégin, que j'adore aussi, qui va de mieux en mieux. Hein? Bravo, et puis fais attention à toi, l'artiste. Donc, de l'autre côté, il dit quelle viande froide, parce que la viande froide, c'est quand quelqu'un va mourir, hein, comme moi, qui ne me sens pas très bien actuellement. Moi, ça ne va plus très bien, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Hein? Jack the Turn, suicidé, Jack Kerouac. Je connais pas. Moi, ça ne veut pas très bien, ça ne veut pas très bien. Moi, c'est meilleur que lui, là. Lui, il se trompait pas. Moi, je me trompe tout le temps. C'est ça qui fait le charme. Donc, ouais, comme viande froide, c'était une tranche de Gainsbourg. Hein, pourquoi pas? Un Gainsbourg tranché mince. Parce qu'il y a de l'alcool là-dedans. Ah, mon Dieu. Tu prends un petit verre de vin avec une petite coupe de vin, là. Oh, là, t'es bon pour 3 jours de fiesta, puis de chantage, puis pas de chantage, mais de. Hein, non, parce que chantage, c'est une autre histoire. Ah, du chantage, je sais. Ouais, mais si tu le dis, là, hein, m'envoyer des messages sur Facebook, oui, ça, c'est du chantage. Mais, tu vas avoir du plaisir, ça risque d'être festif, festif. Et tranche de fromage qui va un peu, là, enrober. Pour ne pas dire, tu sais, quand il y a du papier buvard, là, donc le fromage va boire. Quel fromage boit? Bonne question, hein? Quel fromage boit? C'est le bruyère. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. Donc, ça glisse à travers les trous. Donc, ça donne comme ça rigole. Il y a comme une pseudo-rigole de fromage. Et on se la tord, du plaisir, là. Puis là, tu prends tes deux tranches, tu les fermes ensemble. Tu coupes ça en deux ou en quatre, dépendant. Moi, je fais ça en deux. En quatre, on dirait que tu manges plus. Donc, si tu as une grosse faim, tu mets ça en quatre dans ta tête, ton cerveau va s'imaginer que tu as pris un bon repas, tu sais. Deux, ben, il y en a juste mangé deux, quatre. Oh mon Dieu, la quatrième est dure à rentrer, hein? En même temps, c'est. C'est la même quantité, c'est la même affaire. Tu sais, le cerveau, c'est merveilleux. Quand je fais mon émission, là, je mets mon cerveau à 72, 13, 18, 81, 11, 18, 19, 59. Là, ça fait des émissions incroyables. Bon, ça, c'est une machine que j'ai moi-même inventée. Oui, je me mets des ventouses sur les, sur le cortex cérébral et je branche ma machine, parce que c'est une machine. Ma grand-mère disait tout est ta machine. Elle savait pas le nom d'une dame. Ouais, tu sais, machine, là, machine. Puis là, moi, là, quand j'arrivais, ah oui, salut, machine. Ah, il y avait de la machine chez elle. Ah, mais pas à gaz. Donc, heureusement, elle serait morte étouffée, grand-maman. Ah oui, grand-maman Fortin. Elle s'appelait Joséphine. Ah, que Joséphine me regarde ce soir, j'espère. Qu'elle m'écoute avec des ondes tertiaires. Les ondes tertiaires se rendent partout, hein. C'est pas juste troisième degré. Et pas besoin d'être karatéman ou woman, là. Ah, non, non, non. Donc, l'homme sandwich. Le bonhomme amène à l'homme sandwich la sandwich. Et il lui dit, en mémoire de toi, mon ami, j'ai inventé un nouveau mets rapide. Non pas le burger, non pas quelconque repas éphémère, mais quelque chose qui restera dans la légende planétaire, et c'est le sandwich. Mais attention, avant de passer à la musique, là, il y a deux sortes de sandwich. Au Québec, c'est pas la même chose qu'en France. En France, le sandwich, c'est un sous-marin. Chez nous, un sandwich, c'est ce que je vous dis, c'est deux tranches de pain. En France, deux tranches de pain, je sais pas s'ils appellent ça aussi un sandwich. Peut-être qu'ils ont le sandwich universel. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations. Good. Monsieur Gagné, c'est Joséphine. Pas votre grand-mère, monsieur. Non. Mettez-vous pas à pleurer. Vous êtes un cœur tendre, vous, hein. Ah, mon doux. J'aimerais savoir. Non, c'est, je suis... pas Baker non plus. Je suis pas Joséphine Baker. Mais non. Ah! Vous étiez surpris, hein? Calamazou, pas la fête tout. Dis-le partout, on y va tout. Ouais, ça, c'est des mots pour vous réveiller un peu. On va m'appeler Joséphine, OK? Mon nom n'a pas d'importance, mon prénom l'est davantage. C'est que vous avez acheté oui. Oui, on va parler, oui. Oui, on est des cabochons. Sans doute. Je me suis étouffé avec le Phil Ariane. En plus, il faut pas dire le Phil Ariane, c'est Phil Diane. Diane ne file pas très bien. Ah non, elle file d'aiguille en aiguille. De train en train, de cochon en cochon. Non, mais c'est pour juste pour, simplement pour vous dire que le double album que vous êtes acheté des Beachy Boys, des Boy Beach, des Bee, en tout cas les gars à la plage, là. Est-ce que c'est l'album de Reader's Digest? Mi amor. Au revoir, que Dieu me garde. Oui. Oui. Hey, écoutez, à la 24e chanson, là, c'est en spectacle. Pourriez-vous-tu, parce que moi je suis une francophone universelle, encore l'universalisme, hein? L'universalisme, c'est comme la poésie, on comprend qui peut, qui veut, mais pourriez-vous-tu, ce soir on se cherche l'avenir des enfants impudiques qui marchent dans les rues sans savoir quelle voiture va passer. Mais dites-vous, mes amis, la vie n'est qu'un souci, et chaque fois que tu bondis, tu risques de rebondir. Alors, après le 24, là, c'est du concert, tu sais, c'est du live. Pourriez-vous-tu nous faire jouer une chanson live des hommes de main, pas des hommes de pied, des hommes de bitch, de mère, qu'est-ce que c'est? La fille du port de mer, flush. Now, from Hawthorne, California. Hey, alors, attendez, avez-vous remarqué qu'on dirait que c'est le même gars qui annonce Elvis Presley dans les spectacles? Non! Wait, at the Madison Square Garden in New York City. My name is Renan Ragoni. You think Le PQ est là pour m'aider. Merci beaucoup. Hey, il est en force actuellement. On dirait qu'il y a le feu au derrière et c'est pour ça que je l'aime. Bravo, hein? Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de au mois de septembre. Octobre. Il y a eu un élan du PQ, là. Je dis, on va renouveler ma carte de membre. Et qu'est-ce qu'il disait, là? Ah, c'est oui, les hommes de mer. Ou à mer? Est-ce qu'ils sont à mer? J'ai jamais goûté. Je goûterai jamais. De un, toi, mon ami, vraiment, vous manquez de justesse et vous manquez aussi de vocabulaire. Et pour ne pas dire de décorum. Beach Boys. Bon. Le groupe, là, OK, les personnes qui sont... les artistes. Il y a combien d'artistes dans le groupe Beach Boys? Combien vous dites? 4, 1, 2, 3, 4. Non, ils sont cinq. Je vois la photo, ils sont cinq. Mais c'est des BD parce que ça vient de... Et donc, on va entendre des... Les hommes de mer, amer, peut-être. Oh, moi, il devrait pas être amer parce qu'il y a des femmes. Oh, mais j'ai lu, j'ai vu le film qui parle de leur carrière en anglais. Comme je suis pas bilingue pour 5 cents, même pas pour une pièce, encore moins pour un million, j'ai adoré. Parce que ça me rappelait mon enfance. Moi, quand je regardais des films d'auteur, je comprenais pas tout, ça je vous l'ai déjà dit. Mais j'adorais. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais je pouvais pas piger. Pas bouger. Donc, la morale, pas besoin de piger pour comprendre. Ah! Les films de Doyon, je les écoutais, j'adorais ça. C'était très, très dialogué. Ça me cherchait, ça venait me chercher, ça me cherchait, là. Arrête de me chercher, toi. Arrête de... Non! Cherche-moi encore, Doyon, là, tu vas voir. Je vais te prendre ta Jane Birkin d'amour. Ta belle Jane Birkin. Oh, mon Dieu. Dans quel film que t'as pris Jane Birkin? On le sait, tout le monde le sait, sauf toi. On va te laisser le bénéfice du doute. Reno? From Hawthorne, California. Okay, bitch boy. To entertain you tonight with a gala concert and a recording session, the fabulous Beach Boys. On dirait de Beach Boys. Ah! Try to choose her. Go, Penny, go, Penny, go, Penny, go. You may have a goer, but you'll never lose her. Go, Penny, go, Penny, go, Penny, go. The guys come to race her from miles around, but she'll give them a link, then she'll shut them down. Here he goes, and there's nobody meaner than the little old lady from Pasadena. She rides real fast, and she tries real hard. She's the terror. Because of people like you, this next song we're gonna sing sold over 1 million copies for us and was number one in the nation. Round, round, get around. I get around. My buddies and me, you're getting real well known, yeah. Song that was recorded several years ago by a group of singers who are very inspirational for our careers because they influenced Brian Wilson and his writing. Their group is the Four Freshmen, and their song that we'd like to sing right now is called Graduation Day. There's a time for joy, a time. The Savior brought, we dare. C'est grâce à cet invité que vous entendrez dans quelques minutes. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Claude Lemels. Alors je m'arrête ici et je vous présente tout de go Zepka. À toi, mon ami. C'est une grossière erreur de croire que l'amour commence à deux. Il commence à plusieurs, aussi sûr que deux et deux font deux. Les affluents du fleuve amour irriguent nos cœurs d'éclats de rire. Et puis la vie poursuit son cours. Mais si on remonte aux souvenirs, sous les tilleuls du premier soir, il faisait doux dans la nuit noire. Et tu ne plaisais pas qu'à moi, et je ne plaisais pas qu'à toi. C'est le triangle du désir, le triangle du désir. Je sais que les chanteurs aiment dire qu'en amour on n'est que deux. C'est pas vrai, c'est un leurre, aussi sûr que deux et deux font deux. On se noie dans le fleuve amour quand on donne son cœur, son sourire à la même personne pour toujours. Et on s'en sort grâce aux souvenirs, sous les tilleuls du premier soir. Il faisait doux dans la nuit noire, et tu ne plaisais pas qu'à moi, et je ne plaisais pas qu'à toi. C'est le triangle du désir, le triangle du désir. On aimerait croire à la romance et ne plus jamais divorcer. On aimerait bien voir l'évidence dans un seul regard, un seul nez. Que faire si par malheur plus personne ne pose les yeux sur moi? Tu diras qu'il est l'heure, que nous deux on n'est plus rien sans trois. Alors on ira voir l'amour là-bas au bout du monde. Et tu seras belle comme le jour et moi comme dans tes souvenirs, sous les tilleuls du premier soir. Il faisait doux dans la nuit noire, et tu ne plaisais pas qu'à moi, et je ne plaisais pas qu'à toi. C'est le triangle du désir, le triangle du désir. C'est le triangle du désir, le triangle du désir. C'est le triangle du désir, le triangle du désir. Sébastien, ça va bien? As-tu couru? As-tu couru? Ouais. Mais voyons donc, je viens juste de quitter, j'allais dire un artiste, c'est ça, exactement. C'est bien? Ben oui, ça va bien. Est-ce qu'on reste à l'extérieur? Écoute, tu es là? Quand je suis frileux, c'est que il faut que je perde... Est-ce que tu fumes? Non, je fume pas, toi tu fumes? Non, je fume pas. Non, mais on peut aller à l'intérieur alors. Il fait chaud. Il fait trop chaud? Ouais. Eh ben, restons à l'extérieur si tu préfères. À l'extérieur? Si tu préfères rester à l'extérieur, restons à l'extérieur. Ok, ok. Parce que toi, tu veux pas te tomber à moi? Oui, moi, je veux pas tomber malade, mais s'il fait chaud... On est bien. Bon, c'est bien. Parfait, merci. Hey, je suis très heureux de te rencontrer, parce que de un, tu m'as envoyé ta pastille, ton CD, ton œuvre, ta... C'est ton premier disque? C'est mon premier disque LP, ouais. Longue... Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, vous? Toujours. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben hier. Non, mais aujourd'hui, c'est pas dire. Il faut pas dire. Exactement. Le biche pour vous? Un chocolat chaud, moi. Un chocolat chaud. Moi aussi, s'il vous plaît. Ben deux. Ben oui, exactement. Et donc, tu m'as envoyé ton disque. Ouais. Je l'ai écouté, je l'ai adoré. Ah, ben cool. C'est rafraîchissant, mais je suis sûr que je suis pas le premier à l'aimer. Écoute, j'espère. Écoute, oui, il y a des gens qui... On me dit que... Oui, on m'a déjà dit qu'il était bien. Certains qui l'ont écouté m'ont dit que c'était que ça leur plaisait beaucoup, ou que c'était bien fait, ou que sais-je. Enfin, j'ai eu des compliments, oui. Donc je suis content de. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'en suis content. Et visiblement, bon, je ne suis pas le seul, alors tant mieux. J'essaie de continuer sur cette voie-là, sur mes prochains disques. Et là, j'essaie de tourner avec celui-là, quoi. Mais ce disque-là est né il y a combien de temps? C'est avant la COVID? Alors, en fait, les chansons qui sont dessus, ouais, elles sont vieilles souvent. Quand je te dis qu'elles sont vieilles, c'est qu'il y en a qui datent... Ouais, ben tant mieux. Elles ont vécu parce qu'on sent que... Il y a tellement une richesse musicale, des ritournelles accrocheuses, ouais. Des beaux textes bien enregistrés, le son est excellent. C'est de la belle chanson française. Eh ben, merci, je suis content de te l'entendre bien. Je ne veux pas dire ça pour être simplement gentil, c'est que quand je l'ai placé, toutes les pièces demandent une attention parce qu'elle est tellement assez riche. Chaque fois qu'on les entend, puis sincèrement, je trouve que chaque chanson représente bien une journée de la semaine. Il y a des chansons du dimanche, il y a des chansons du lundi. Ah, ça, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah, oui, ouais. Et tes personnages sont touchants, tes personnages de chansons. J'ai adoré les duos. Oui. En plus, je la connais, je l'adore. Habir. Oui, je l'ai rencontré. Femme extraordinaire, femme de taille. Voix merveilleuse. Je vais pas te dire le contraire, il se trouve que c'est ma femme, donc... C'est pas vrai. Si. Je suis pas d'allié. Ah, ben j'ai arrêté de parler d'elle, mais quelle femme extraordinaire. Je suis d'accord, elle a une très belle voix, et elle écrit elle-même très bien, son disque d'ailleurs, moi j'aime beaucoup son disque. Mais ouais. Parce que, lorsque je l'ai rencontrée... Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'on s'occupe de nous? Ah oui, ok, j'ai pas compris. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une femme de tête. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Normalement, elle a un petit côté Brigitte Fontaine. Oui. Dans sa tête, dans sa façon de... Lorsqu'elle veut quelque chose, elle l'a. Ah oui, ça, c'est une femme très volontaire, hein, c'est vrai. Ouais. Et tu l'as rencontré comment? En écrivant une chanson dans un atelier d'écriture. Claude Lemel, t'as déjà entendu parler de Claude Lemel, on en a voilà. Parlé. C'est ces ateliers d'écriture, j'en fais partie, elle les a intégrés, elle aussi, et tout de suite, quasiment tout de suite, il se trouve qu'on s'est retrouvés à deux pour écrire une chanson, et ça a été une véritable rencontre. Un coup de foudre à tous les niveaux, artistico, tout en même temps. Un Big Bang, c'est ça. Mais c'est pas. Est-ce que c'est elle qui t'a accroché ou l'inverse? Ou c'est les deux en même temps? Ah, c'est les deux en même temps. On s'est trouvé, si tu veux. Ça a été quelque chose de complètement inattendu, mais on est tellement surpris agréablement par l'autre à tout point de vue. Et puis l'autre nous éblouit. Quoi. Enfin, moi, c'est ça qu'elle m'a fait en tout cas. Mais lorsque je l'ai rencontrée, on parlera pas juste d'elle, on va parler de toi, tout ce qu'on fait. Oui, ok, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ce qui m'a plu, c'est que... Je trouve que intérieurement, elle est d'une beauté extraordinaire qui émane jusqu'à à la beauté physique. T'sais, c'est pas juste une beauté physique, c'est une entité. C'est une femme qui est rayonnante. Oui, je suis d'accord. Mais non, mais dans une vie, ça, c'est un joyau. Puis dans sa musique aussi, quand tu l'écoutes, un peu comme tes chansons, c'est rempli de bonheur. C'est pas londonien, c'est pas sombre. Oui. C'est foisonnant, c'est brillant, c'est ludique aussi. Il y a beaucoup de chansons ludiques. Oui, c'est vrai. Et vous ressemblez musicalement, même si elle veut mettre aussi un peu de sa couleur, de ses racines. Ouais. Toi, tu veux mettre aussi de ta magie. Donc, c'est un ensemble qui fait en sorte que ton disque a une raison d'être. Une raison d'être. Oui, oui. Et comment tu es arrivé à vouloir écrire un premier disque? Est-ce que c'est des chansons qui ont vécu beaucoup sur scène avant? Ouais, carrément. Elles ont vécu longtemps. Pour certaines, elles ont déjà 20 ans maintenant, tu vois. Hey, ça a bien vieilli. Ouais. Tu n'as pas retravaillé le texte. Alors si, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les textes, je fais attention. Ça s'entend. Voilà, je retravaille évidemment à la virgule près, à l'élision près. Je fais ce que je peux pour que mon texte soit le meilleur à mes yeux possible, hein, enfin à mon oreille possible. Donc certaines des chansons étaient beaucoup retravaillées depuis le temps, surtout quand j'étais. Puis il y a 20 ans, j'écrivais un peu différemment. Mais j'ai gardé les idées principales, ou les refrains, les mélodies évidemment. Et puis j'ai adapté le texte le plus... Il y a deux exemples, c'est la chanson « Jeune et belle » qui n'avait que deux couplets au départ. Et j'ai rajouté un troisième couplet, allez, 6-7 ans après, parce que je la trouvais quand même courte, tu vois. Et puis finalement, j'ai fait un premier disque, un petit EP en 2000... je sais plus combien, 17. Et là, Jean-Pierre Armanet, qui réalisait mon EP, il m'a dit « Ouais, elle est bien, Jeune et belle, mais il faudra que tu rajoutes encore un couplet, parce que sinon ça fait le mec qui a une bonne idée, mais qui n'est pas allé trop loin. » Donc j'ai rajouté un dernier couplet. Donc finalement, au départ, une chanson de deux couplets est devenue une chanson de quatre couplets. Ça, c'est pour Jeune et belle, et pour la chanson « Un peu des deux » qui a donné le titre à mon album. Elle, carrément, j'ai changé l'intérieur du texte, c'est-à-dire elle avait déjà trois couplets, trois refrains. Mais j'ai changé l'intérieur du texte parce que j'avais déjà ce truc que je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. Mais le reste, c'était pas tout à fait pareil. Je mélangeais beaucoup de choses, trop de choses dans la chanson et je me suis dit que le message n'était pas assez clair. Donc j'ai retravaillé pour savoir exactement ce que je voulais dire. Elle déviait. Voilà, elle me plaisait pas complètement. Je savais pas comment la défendre sur scène, tu vois. Donc j'ai préféré la changer pour pouvoir la défendre mieux, tu vois. Si je me sens le sexe faible, c'est que le fort m'a contrefait. Ces airs de femme dont on m'affuble font de moi un homme à l'affût de la moindre des jolies fables. Et pour peu qu'elle me donne le fa, avec elle je deviens affable et je dépense mes CFA. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. J'ai beau chercher l'enjeu, je n'y vois que du feu. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. Un plus un, ça fait deux. Moi plus moi, ça fait quoi? Qu'on dise de moi que je suis double, ça ne me rend ni froid ni fourbe. Ce n'est pas un déséquilibre d'être bonne femme et bon mari. Je goûte divers sirops d'érable, savoir lequel le mieux m'ira. Je fais amende équitable entre Tito et Pépita. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. J'ai beau chercher l'enjeu, je n'y vois que du feu. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. Un plus un, ça fait deux. Moi plus moi, ça fait quoi? Je me fous bien des insensibles, des gens qui me traitent d'indécis. Un jour j'irai compter aux cieux mes déesses grecques, mes demi-dieux. En amour, à ce qu'il me semble, on comprend peu ce qu'on ressent. J'ai passé toute ma vie ensemble à me chercher un genre décent. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. J'ai beau chercher l'enjeu, je n'y vois que du feu. Je suis un peu des deux, un peu coupé en deux. Un plus un, ça fait deux. Moi plus moi, ça ça fait moi. En 20 ans, ça t'a pris 20 ans pour faire ce disque-là, parce que t'avais d'autres choses, t'avais d'autres... Après, j'ai fait non pas des disques, mais j'ai fait des essais de disques, c'est-à-dire des préparations aux disques. Des maquettes. Des maquettes, voire même finalisées avec les masters et tout. Mais j'ai jamais pu les finaliser complètement avec la sortie qui va bien, parce que en fait je savais pas comment faire. Parce que il y a tout un ensemble de trucs qui va avec la sortie d'un album. Après il faut prévenir les radios, il faut savoir comment faire, il faut savoir se vendre. Et ben moi j'étais incapable de tout ça. Et c'est ce qui t'emmerde aujourd'hui dans... Toi t'aimes bien créer, mais une fois que la pastille est lancée, le reste ça t'intéresse moins? J'aimerais bien si tu veux faire 100, mais c'est impossible, donc je fais... Le truc c'est que ça prend beaucoup de temps, énormément de temps, et mais faut... Bon, tant qu'on n'a pas d'équipe qui s'occupe de soi, de label, de booker, je suis totalement indépendant. Comme beaucoup d'artistes. Voilà. Mais alors, ça prend, et quand je te dis ça prend énormément de temps, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, ça prend l'énorme majorité du temps. Il ne faut pas croire qu'on répète et qu'on crée et qu'on cherche l'inspiration. C'est vraiment minime. Une fois que le disque est sorti, en tout cas, ça devient complètement minime. On est obligé de faire vivre le truc, donc de trouver des concerts. Une fois que tu as trouvé le concert, il faut préparer le concert. Donc l'affiche, la promotion du concert en lui-même, tu n'as pas qu'un concert, tu en as 10. Donc c'est 10 concerts, il faut faire ce travail-là, etc. etc. Les organisations, la route, le temps passé à organiser, à faire la route, tout ça, ça prend énormément de temps. Es-tu devenu intermittent ? Écoute, là cette année j'aimerais bien le devenir. Je me dis qu'il y a moyen d'avoir assez de cachets. Donc j'essaie de m'en donner les moyens, c'est pareil, c'est pas facile. Mais j'espère, parce que ça donne un peu d'oxygène. Ce qui eux, c'est ça, c'est de trouver les spectacles, de gratter tout le temps, d'avoir. Écoute, je sais pas, pour l'instant je vais pas dire que ça use. Je vais dire que j'en suis content d'en être là, parce que j'ai longtemps rêvé d'en être là sans pouvoir, sans savoir comment faire, sans savoir comment décrocher mon téléphone, sans savoir qui appeler, sans savoir comment faire. Donc là, je commence à avoir un peu de bouteille de ce point de vue-là. Donc ça, c'est chouette. Et comment te dire ? Et donc, je vais pas me plaindre. Après, je vois que c'est aussi un métier en soi et que ça serait bien que je délègue à quelqu'un d'autre. Donc, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. J'ai l'impression que c'était... c'est pas le frère d'Orlando, lui ? Bref, Orlando, tu sais, c'est celui qui s'occupe des affaires de Dalida ou... Ah oui, ça se peut. Parce que, oui, c'est là-bas. Bref. C'est lui qui s'enrichit sur son dos. Sans doute, oui. En fait, c'est lui qui prend l'argent, tandis qu'elle est plus douce. Et c'est le problème de, effectivement, des ayants droit. Enfin, le problème, c'est l'existence des ayants droit. Effectivement, qui font de l'argent avec quelque chose qui ne leur appartient pas. Après, il faut qu'ils fassent travailler quand même ce patrimoine-là. Après, il faut faire travailler les sens. 50 ans, je crois qu'il n'y a plus de droit d'auteur. Hein. 70 ans. C'est rendu 70. Il me semble que c'est 70 ans après la mort du créateur. Par exemple, Boris Vian. Il a dû mourir en 59, un truc comme ça. Et ben donc, 70 ans. Donc là, les ayants droit ont pu l'argent, je crois. C'est le domaine public. Ah, c'est ça, on peut l'utiliser sans demander. C'est ça. Ouais, voilà. On peut martyriser l'œuvre. C'est sûr avec PayPal. Sans doute, ouais. Ben oui. Sans doute. Ouais. Et toi, les droits d'auteur, on va en parler. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'écrire des paroles et de dire c'est moi qui viens de placer ce mot-là sur... Maintenant, ça fait tellement longtemps que je fais ça que ça me paraît pas compliqué, mais à l'époque, oui, je m'étais posé la question parce que j'avais un groupe, on avait fait des déclarations à la SACD, on était un groupe de 5, donc on avait signé à 5, mais c'est des œuvres qui c'était un dépôt valable pour 5 ans, ou que sais-je, ce genre de choses. Donc au début, quand tu es dans un groupe, le phénomène de groupe fait que tu te poses ce genre de questions. Ouais. Ceux qui font partie du groupe, qui sont pas les créateurs et tout, ils se disent, mais quand même, ils s'investissent tellement que machin. Ils écrivaient les paroles et la musique. Ouais, ouais, voilà. Et les autres n'étaient qu'accompagnateurs. C'est ça, mais comme ils étaient tellement investis, le phénomène groupe fait que tu te poses ce genre de questions. Mais c'est toi qui dois recevoir plus. Oui, mais j'étais jeune et puis finalement j'ai fait mon projet solo assez vite et donc la question après s'est plus posée. Naturellement, c'était moi. Là. Mais est-ce que ça tue un peu la bureaucratie? Alors sans doute que ça tue une certaine partie du temps que je pourrais consacrer à la création et au travail de mon art, de ma guitare, de mes mélodies. Ça sans doute, sans aucun doute même, sans aucun doute. Après, il faut faire avec la réalité, et la réalité elle est comme ça. Et moi je ne peux pas déléguer pour l'instant à quelqu'un d'autre cette part du travail, donc je le fais moi-même. J'espère qu'un jour j'aurai plus de temps pour ça. Est-ce que ça tue la magie créatrice? Non, je ne sais pas. Non. Dès qu'on a quelque chose à faire, on le fait. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et puis le moment où, moi je suis très heureux toujours d'écrire une chanson, de composer. Je sais pas comment te dire, ça me met toujours dans un état gay, heureux. Investi et un investissement avec à la fin, au début il n'y a rien et à la fin il y a quelque chose. Et ça c'est il y a quelque chose qui est toujours merveilleux dans ce phénomène là. C'est la création, c'est, ouais. C'est un enfant. Mais est-ce que c'est libérateur aussi? Pour certaines chansons, oui. Certaines chansons qui nous tiennent à cœur, un sujet qui nous a, un truc qui nous a blessé, un truc que ça fait longtemps qu'on veut en parler mais on savait pas comment le faire. Par où le prendre? Ouais, bah, un jour on trouve un angle quoi, et cet angle-là nous convient, ça fait une chanson, on y va. Et le jour où la chanson existe, on est content, on est heureux. Ça, c'est vrai. Mais certaines chansons sont, c'est comme ça, c'est un peu plus pour s'amuser. Et en passant, et parfois ce genre de chansons sont très bien aussi. Mais ça, disons que ça nous fait marrer, quoi. Enfin, moi, ça me fait marrer. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées, pour ce qui est de toi dans la création? Très franchement, je fais peu de tout bois. Hein. C'est-à-dire que là, je peux voir un truc qui se passe dans la rue, un dialogue, entendre deux mots d'un dialogue, et ça me donne une idée de chanson. Je peux entendre un truc à la radio, quelqu'un qui a une expression ou qui dit un truc que j'avais jamais entendu dire comme ça, une idée que j'avais plus ou moins déjà en moi ou qui me semblait un peu intuitivement correcte, mais la manière de la formuler va m'éclairer sur l'idée et je vais avoir envie de faire une chanson là-dessus. Tu fonctionnes au flash? Ouais, et bah c'est un coup de cœur en fait. C'est-à-dire une chanson, c'est quelque chose qui, c'est une étincelle quoi. Ouais. C'est une étincelle qui, à un moment, paf. J'aime tout. Et à un moment, ça vient, t'as envie de dire quelque chose, ça t'allume quelque chose quoi. Et à l'inverse, parfois, on est effectivement, on se dit, on doit faire une chanson pour je sais pas qui ou je sais pas quoi, ou tu te dis, j'aimerais bien écrire une chanson. Et puis on est un peu raplapla quoi, on n'a pas d'idée, donc là. Il faut aller chercher, il faut aller puiser un sujet, un truc, faut un peu creuser parfois. Mais souvent, ça vient tout seul. Hein. Est-ce que ça t'arrive d'écrire une chanson, de dire « Ah, celle-là est trop bonne, je la garde pour moi, je lui donne pas, je vais lui en faire une autre. » Oh, bah, mes chansons, pour l'instant, je les garde pour moi pour l'instant dans le sens où j'ai pas encore d'éditeur qui fait travailler mes œuvres. C'est pareil, ça fait partie de mes chantiers, je dois trouver un éditeur. Parce que j'ai beaucoup de chansons qui dorment. J'en ai déposé quelque chose comme 250, un truc comme ça, là, ça sème, tu vois. Les deux, bien souvent, mais parfois que l'un ou l'autre. Ou parfois je suis co-auteur, co-compositeur. Mais voilà, au total, j'ai plein de chansons qui dorment, parce que je peux pas les chanter toutes sur scène. Donc j'ai besoin effectivement de faire travailler certaines... On travaille sur mon répertoire. As-tu plus de textes ou de mélodies avant? Les deux, je pense. J'ai les deux à peu près autour. Et puis souvent, est-ce que c'est la musique qui amène les mots ou les mots qui amènent la musique? J'avais envie d'écrire une chanson américaine pour une fille rencontrée au bout d'une pelote de laine. Elle tricotait un pull pour son julot nommé William. Je m'appelais Sepka j'habitais avenue Wagram. Je lui ai consacré 3 ou 4 de mes poèmes. Mais pour déménager, je lui ai déclaré ma flemme. Et elle m'a invité à passer 2 ou 3 semaines chez elle en Amérique. Elle habitait dans le Maine. Dans sa maisonnée blanche, elle m'a présenté son julot. C'était déjà l'hiver, j'avoue qu'il ne faisait pas chaud. Mais on s'est réchauffé en jouant trompette et banjo, en faisant feu de joie de quelques branches de bouleau. Que l'Amérique est belle quand on y fait l'amour à trois. Son corps américain envalait 1000 Parisiens. William était jaloux, de temps en temps c'est tout. Moi, pour le consoler, je lui faisais des bisous. J'avais une Ford aussi vieille que my grandfather. De m'en confier les clés, ils m'ont fait la gentille faveur. Heureux qui, comme moi, parmi les prés et les fermiers, a vu de l'Amérique sa nature au mois de janvier. Arrivé côte ouest, j'ai enlevé la clé du contact. J'ai acheté des cookies chez un marchand de café grec. Dans la ville où les anges confondent les arbres avec des lettres. Dans un motel miteux, à la lune, j'ai fait la causette. Puis j'ai repris ma route en sens inverse, il était temps. La terre commençait à donner des signes de tremblement. Un matin de blizzard, je suis revenu dans le Maine. Chez mes 2 tourtereaux qui se mariaient dans une semaine. Voilà, c'en est fini de ma chanson américaine, écrite pour une fille au bout d'une pelote de laine. Elle a fini son pull, elle a épousé son William. Je suis rentré chez moi, mais je m'ennuie. Avenue Wagram. Chez moi, c'est maintenant c'est l'un et l'autre indifféremment, mais par contre, j'ai eu une évolution, c'est-à-dire que au début, j'étais compositeur vraiment dans ma jeunesse. À partir quand je me suis mis à faire des chansons, c'était la mélodie qui me venait, et après, je mettais des mots dessus, souvent d'ailleurs pas en français, plutôt en anglais ou en... J'ai fait du russe moi beaucoup. J'ai pas mal de... Ouais, j'ai fait des chansons. Enfin, en tout cas, je me débrouille bien en russe. Ouais. Russe, anglais, français. Russe, anglais, français, ouais. Et russe vraiment pour pouvoir parler à un russe sans problème. Ouais, j'ai fait des études, c'était la langue qui m'intéressait vraiment, la langue, la prononciation, la grammaire, le vocabulaire, lire en russe. Mais les poètes russes, les poètes travagés, Vysotsky, on l'a juste mis en tête, moi j'ai juste mis en tête. C'est ça. Vladimir Vysotsky, qui est un être extraordinaire. Vysotsky, aujourd'hui nous amène, la société nous amène presque à la lire parce que c'est un russe, mais c'est pas de sa faute, pauvre. Oui, il faut arrêter de voir des... Ça c'est des querelles. Oui, c'est ça, de clochers. Ça va passer. Ouais, enfin, cas, j'espère bien. Ouais. Je faisais des mélodies, je composais les mélodies et je mettais des mots dessus. Après, les mots m'étaient un peu égal. En fait. L'important c'était d'avoir une mélodie, un truc à fredonner, un truc à jouer, avec les accords, la voix. Et puis un beau jour, le français m'est tombé dessus. Vraiment, c'était il y a 20 ans, tu vois. Avec bonheur. Avec bonheur, ouais. Et je me suis aperçu que je maîtrisais le truc, que j'arrivais à faire des chansons sans trop de difficultés, même avec une certaine facilité. Donc je me suis dit, mais bingo, et c'est là que j'ai eu la révélation. Mais en fait, je veux faire chanteur, je veux faire de la musique, ça me plaît. Avant, tu savais pas. Et avant, je savais pas que je savais écrire en français. Je ne savais, j'avais jamais essayé, en fait. Qu'est-ce que tu voulais à l'origine? Je voulais rien. Être un parolier, rien. Je voulais non. Je au départ, je voulais être footballeur quand j'étais môme. Ouais, quand j'étais môme. Au voilà, Québec, c'est joueur de hockey. C'est voilà, c'est ça. Bon, ouais, c'est ça. Après, mon seul rêve, c'était ça quand j'étais môme. Après, je savais pas quoi faire du coup. J'étais un peu. Du coup, je gérais dans la vie comme ça avec des copains. Avais-tu avec... un plan B? J'avais zéro plan. Non. Donc, tu as toujours baigné dans la création. Donc j'ai baigné dans la création, ouais, depuis que j'ai 17 ans, quoi, en gros, à peu près. 17 ans. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, écrire des chansons, c'est vrai que j'attendais les suivantes avec impatience. Et je comptais les jours, tu sais, ah tiens, ça fait une semaine, oh, ça fait deux semaines, trois semaines que j'ai pas fait de chansons, ça serait bien. Et ça me. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait. Le rythme, tu vois, de la création, ça me tenait vraiment. L'appel du stylo, ouais. L'appel des mots, l'appel de la musique. L'appel de la musique surtout. Et puis après, ça a été l'appel du texte. Et alors, figure-toi que tellement l'appel du texte que. Au bout d'un moment, c'était les textes qui venaient en premier. Et puis, là, bon, il se trouve que dans ma vie, j'avais beaucoup moins de temps, j'ai dû travailler et tout. Je fais des petits boulots. Et à ce moment-là, j'avais plus de temps de prendre ma guitare, vraiment, tu vois. Et donc, mais par contre, j'avais du temps parfois, tout seul, pour prendre le crayon. Et donc, j'ai écrit beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Parfois un peu longs et tout. Et la musique, j'avais moins le temps de la faire. Donc, je me suis moins impliqué sur la musique à cette époque-là. Et puis il se trouve que j'ai, en 2016, il y a donc, bientôt 7 ans. Ça passe vite, ouais, c'est terrible. Et donc il y a 7 ans, je me suis remis à composer vraiment. Et là, et donc la musique et les mots, donc peu importe, pas dans musique, mots d'abord, avant, pendant, en même temps, je fais les deux. Tu vois. Alors t'es inspiré facilement? Ouais, je me laisse aller, ouais. Je sais me laisser aller à n'importe quoi. T'es un vaste communicant. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Disons, la création, c'est de se laisser aller à quelque chose et puis au bout d'un moment trouver un sens dans ce que tu fais, tu vois. Non, mais toi, la page blanche existe pas. C'est le flux de mots. Oh, ça doit exister. Il y a des jours où. Il y a forcément des jours où t'es un peu moins. Il y a les jours où tout est fluide, ça va, t'es content, ça se passe bien. Puis il y a les jours où t'es contrarié, où il y a plein de choses, ouais. Où t'es tout à l'envers. Tu sais, tu voudrais faire ci, mais en fait t'as pas le temps. Et du coup, mais quand même t'aurais voulu faire ça, mais quand même t'as pas le temps. Et du coup, t'es jamais à l'endroit, tu vois. Donc ouais. Ça se retrouve dans ta. Si tu veux créer, c'est pareil. Si t'es à l'envers, t'es à l'envers. Hein. Pareil. mais ça peut en même temps sortir une chanson autre que le classicisme. Du quotidien. Oh, oui, ça, peut-être, oui, mais tout est possible en fait. Dans le chaos, des fois, on trouve une certaine harmonie. C'est possible. Tu sais, mais il y a beaucoup de chansons dont je me souviens même plus comment elles sont venues, ni comment elles sont. Mais bon, elles sont qu'elles existent. Est-ce qu'il y a, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois le fil conducteur des thèmes qui reviennent, des sujets que tu aimes bien aborder ou retoucher? Alors, j'aime bien tout ce qui est de l'ordre des métiers. Je crois que sur mon album, il n'y en a pas. non, il n'y en a pas. Mais ouais, ça va être pour mon prochain album. Alors, je ne voudrais pas faire une litanie de métiers, mais j'ai beaucoup de chansons sur les métiers. Il y en a une que je chante sur scène qui s'appelle « L'air de l'éboueur okay. », sur les éboueurs, mm-hmm. que j'aime beaucoup. Il se trouve que j'avais... moi, j'ai fait dans ma vie, j'ai été croque-mort. Et j'ai été chauffeur de grande remise. Je conduisais des berlines pour les riches à Paris. T'étais chauffeur privé. Un peu, ouais, voilà. Et puis éboueur, c'est un métier utile. J'aime bien les métiers utiles. Et puis bon, je pense que c'est pas trop compliqué. C'est pas compliqué en soi à faire, mais en fait c'est très compliqué parce que c'est physique, ouais. Fosque veto, c'est un métier insalubre. Et puis bon, j'étais pas. Bah, évidemment, j'aurais présenté mon CV pour être éboueur. Je pense qu'on m'aurait dit, mais non, t'es pas fait pour ça. Mais j'avais une espèce d'envie de faire ce métier. Mais c'est fou parce que les gens voient dans ce métier-là peut-être le dernier fleuron du travail parce que c'est mal vu. Les gens sont remplis de préjugés. Imagine, si tu dis à ta copine que t'es éboueur, c'est pas comme la même chose que si t'étais notaire. En même temps, on peut pas s'en passer. Ah ben c'est sûr, quand tu as une grève des oubours, au bout de trois semaines, tu te dis, ben, c'est déjà arrivé, quand est-ce qu'ils reviennent? Il y a quelques années, je pense il y a 15 ans ou 16 ans, c'était la grève des oubours. C'était épouvantable. Ah ben c'est épouvantable. Alors c'est essentiel. Évidemment. Mais en même temps, ils sont pas reconnus, ils sont jugés en même temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une chanson sur ce métier qui s'appelle L'air de l'éboueur. Elle doit être sur YouTube, je dois la chanter quelque part. Mais croque-mort, c'était croque-mort. Ouais, il y a aussi une chanson, je sais pas si je la chante sur YouTube, il y a une chanson que j'ai faite aussi sur ce métier. Sur mon set, il y a un métier sur aussi, dans ce que je chante aujourd'hui, dans mes concerts en 2023, il y a une chanson sur le métier de grande remise, c'est-à-dire chauffeur de taxi, comme je t'expliquais, mais un peu pour riche. Et la chanson s'appelle Grande remise. Et je la joue. Donc, il y a des. Voilà, tu me disais les thèmes. J'aime bien voilà, les métiers. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Évidemment, bon, t'as l'amour, le temps qui passe, la mort. Et ça, c'est toujours, hein, l'amour, la mort, ouais. C'est normal. L'amour, la mort, la vie. L'amour, la mort, la vie, ça, c'est les trois thèmes essentiels. Tu as, chez moi, t'as le question du genre, avec le féminin, le masculin qui se mêle. Mais je suis totalement en phase avec la société. C'est construire une nouvelle masculinité, c'est très bien. La misogynie de la langue française aussi. Alors oui, je joue avec un petit peu. C'est fou, hein. Oui, en langue française. Tu peux cartonner plein de mots au féminin, mais s'il y a un mot masculin, le masculin l'emporte. Eh oui. Puis on peut dire des chevals. C'est complètement déjanté, c'est complètement déroutant. Ouais, ouais. C'est... Puis on doit accepter ça comme des bons moutons, des bons. Ben après, c'est des usages, quoi. Donc si tu changes pas l'usage, c'est vrai que parfois il faut forcer le changement d'usage. Parfois ça peut être politique, hein, effectivement, si tu fais un changement politique. Mais si les gens n'adhèrent pas, c'est la population qui décide. Hein. Une langue, c'est toujours c'est la paresse populaire qui décide. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que les gens vont dire qui va devenir la règle. Parce que c'est une langue vivante. Parce que c'est une langue vivante, c'est comme ça. Et ça, tu peux rien y faire. Hein. On devrait remettre en question les nouveaux dictionnaires. Je les regarde pas trop, les nouveaux dictionnaires. Pourquoi accepter des chevals, c'est abominable. C'est pas drôle parce que trop de gens le disent maintenant, j'imagine. Oui, mais parce que si tu maîtrises pas ta langue française, c'est pas notre problème. Si tu maîtrises pas ta langue française, continue à faire des lectures, continue à te cultiver, continue à écouter de la musique, continue à lire de la poésie. Mais on engraisse la société dans une complaisance tout à fait abjecte. Alors, ça, c'est possible. En tout cas, c'est possible qu'il y ait en fait, on a traité les académiciens en France de tellement tous les noms, de rétrogrades, qu'ils essayent peut-être de se rattraper en étant un peu démagos parfois. C'est vrai que je trouve aussi que des chevals, c'est un peu, c'est un peu abusé. Ouais. L'amour sans contrainte, sans tomber enceinte, de n'importe quel velu, ça m'a tout de suite plu. Capote et pilule, je vis dans ma bulle, et je dis à Dudule, y va, charge la mule. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Les jours de disette, je n'en fais qu'à ma tête. Je m'habille en pépette et je vais faire la fête. S'il me tombe dessus un gros dos poilu, je ferme grand les yeux, je le renvoie à ses vieux. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Que je m'habille à la mode, que je m'habille en garçonne. Tous les garçons du coin, ça les désarçonne. Il leur faut pas grand chose pour être impressionné. Je m'amuse à les mener par le bout du nez. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. si le monde s'écroule, je ne perds pas la boule. Je protège ma peau avec des crèmes bio. S'il ne reste plus qu'un mâle chez les humains, je lui montre mes seins et j'entonne ce refrain. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux. Je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, je me parfume à l'Angel, ça les fait tous craquer. Et je m'en lave les pieds. Et puis, je veux juste revenir à ton métier. Pourquoi tu étais croque-mort? Qu'est-ce qui t'a amené à... Pareil, l'utilité du métier. Parce que sans croque-mort, qu'est-ce que tu fais des morts? Les morts, c'est tous les jours. Ouais. Donc, il faut bien. Et puis, c'est insalubre, un mort. Il faut, oui, mais je veux dire, s'en occuper. Mais c'est un travail aussi. C'est une représentation. Tu représentes la mort. Mm-hmm. Donc, Tu campes un personnage quand t'es un croque-mort. Oui, ah, tout à fait, ouais. C'est ça. T'es dans un autre personnage. Est-ce que tu te sentais à l'aise? Ça, non, j'ai pas fait ça longtemps, je fais ça quelques mois. Mais okay. C'est suffisamment prenant comme métier pour te marquer. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps mort? Il y a beaucoup de temps mort. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de temps mort. Parce que t'attends. Effectivement, quand ils font à la messe, toi t'attends dehors. Hein. Ouais. Ouais. Puis les gens sont pris dans un chagrin profond souvent. Ça dépend quelle mort. Si c'est quelqu'un qui a 101 ans, beaucoup de chagrin. Ouais. Mais c'est comme dans la vie, tu sais ce que c'est, une mort. Ouais. Quelqu'un qui meurt jeune, on s'y attend pas et tout le monde est triste. Quelqu'un qui meurt vieux, c'est normal. Ouais. Donc, ce qui est impressionnant, c'est d'être dans cette solennité. C'est-à-dire qu'à chaque fois. Dans la vie de cette personne, le moment ne se répète plus. Mm. C'est un moment unique. Oui. À chaque fois, tu vas pour une cérémonie. C'est pas comme le mariage. C'est vrai. Ouais, c'est très solennel. Oui. Très solennel. Oui. C'est un décorum. C'est ça. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Oui, tu es en représentation. Oui. Tout à fait. Ouais. Donc, tu dois faire ton meilleur spectacle à chaque fois. Oui, mais d'ailleurs, tu sais, c'est pour ça que je suis en costard. Hein. Depuis ce métier de croque-mort. Ah oui, mais même sur ton costard, disque, hein, la pochette. Ouais. Je suis en costard, alors j'enlève le haut ces derniers temps, je garde la chemise et la cravate, pourquoi j'enlève le haut. Pourquoi tu préfères, tu aimes le côté bureaucratique que ça donne? Trouve que la chanson c'est, évidemment je déconne avec la chanson et tout, mais il y a quelque chose de sérieux, c'est une vocation, c'est... Comme tu te rends dans les années 60 avec ouais, le tuxedo. C'est aussi pour dire que je fais partie de la tradition et que j'essaie de la remodeler bien sûr. De la renouveler, ouais, bien sûr. Oui, à ta manière. À ma manière, oui. Mais c'est de dire, je ne fais pas complètement de mariole, quoi. Je ne suis pas que un produit, machin, j'essaie de continuer la tradition, effectivement. Ouais. Un truc un peu sérieux. C'est, oui. Déconne, mais c'est de la chanson, c'est quand même de la poésie, tu vois. Alors, tu aimes le côté solennel? Un peu, ouais. Alors, tu aimes bien les rôles, comme tu étais croque-mort, c'est solennel? T'es auteur, compositeur, interprète, c'est solennel. Oui. Tu aimes le sérieux dans chaque chose. Oui, c'est ça. Quand je fais une chanson, c'est sérieux. Ouais. Je suis investi et je supporte pas qu'on me dérange. Hein. Non, parce qu'en même temps, ça va représenter quelque chose pour quelqu'un. Après, oui, la chanson va pénétrer dans la vie des gens. Donc j'ai une mission. Le devoir d'être propre dans le sens où la chanson doit être clean, les gens vont pouvoir l'écouter et pourront la réécouter sans que ça les ennuie, ils y trouveront du sens, ils y trouveront leur sens à eux, ils pourront s'en imprégner, ils pourront la donner à quelqu'un, ils pourront la transmettre, ils pourront la chanter s'ils veulent. J'ai envie que ce soit transmissible à tout le monde. Et que ce soit vivant. Et que ce soit vivant, voilà. Donc. Mais c'est ça qui est excellent quand on écoute ton album, c'est rempli de bonheur, c'est quelquefois ludique même. Les mélodies sont assez ludiques, accrocheuses. Il y a des ritournelles, tu as vraiment des belles liaisons entre le mot et la mélodie. On sent même quelquefois un petit lien Gainsbourgeois dans la musique. On me le dit. Non, mais on me le dit parfois. Alors, bon, les gens, souvent, ils disent Brel, un peu Brassens. Gainsbourg, parfois, effectivement. Gainsbourg, je l'aime beaucoup, hein, évidemment, comme tout le monde. Je trouve qu'il a beaucoup cédé à la facilité, personnellement, dans ses textes, notamment. Mais il avait un sens poétique, évidemment, hors du commun. Il en a beaucoup joué, il en a usé. Et puis, il avait ce personnage un peu dandy, un peu... J'essaie d'être moins comme ça, d'être plus profond que lui, et d'avoir une espèce de continuité dans mes thèmes, voilà, d'être fidèle à quelque chose, quoi, une espèce d'idée de ce que doit être le monde, de l'ouverture d'esprit. Il est très très ironique, enfin voire cynique. Moi, j'essaie de pas baigner dans le cynisme trop, d'y mettre suffisamment d'humour pour que ça soit doux, quoi, tu vois. Est-ce que tes chansons, tu les sens, est-ce qu'ils vieillissent bien? J'espère. Tu sais, je fais attention à ça. C'est marrant, j'écoutais l'album de Nicolas Perrac, enfin, pas un album, une espèce Nicolas de... Nicolas Perrac, ouais. Ouais, une compilation. Alors, bon, il a une belle voix, c'est des belles chansons, ouais. Mais souvent, il prend des sujets très d'actualité qui sont aujourd'hui complètement datés, on se souvient même plus de quoi il parle. Ouais. Et donc ça fait un peu chansonnier ça, et donc je fais attention, si tu veux, à pas être dans l'actu... Maxime Le Forestier. Alors Maxime Le Forestier, ça passe un peu plus que temps quand même. Mais c'est vrai que... Des années 70. Cette année-là, février de cette année-là. Et donc, c'est vrai que c'est une jolie chanson. C'est pas grave, ça, c'est... Ouais. En même temps, c'est un film. Oui, en même temps, c'est un film. Mais je fais attention. Je sais pas comment. J'essaie d'être à cheval entre ce côté de maintenant, contemporain, parce qu'on fait partie de son temps. Ouais. Et en même temps, de pouvoir rester. Et tu sais quoi? C'est une bonne question que tu poses, parce que chez moi, c'est effectivement. Pas une obsession, mais une crainte de vieillir. Toi physiquement ou non, les chansons. Non, moi je vois bien que je vieillis. Ben, c'est bien. Mes cheveux dans le miroir. Non, mais il faut vieillir. Ouais, ben, c'est comme ça. C'est la seule, vérité sur Terre, vieillir. Oui. Ben, Il peut arriver plein de choses, et ce qui nous amène à la vieillesse, ben, c'est peut-être le résultat de tout ça. Mm-hmm. C'est la vie qui passe. Mais il faut savoir l'accaparer et toujours prendre le meilleur de ce moment-là. Oui. Et puis toi, dans tes chansons, tu fais gaffe de pas, non pas noter, mais de pas dater tes œuvres. J'essaye. Oui. J'essaye. Mais je suis pas sûr que j'y arrive, mais j'essaye. Mais qu'est-ce qui te fait prendre le crayon aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui me fait prendre le crayon aujourd'hui la encore? La guitare aussi, pour les mélodies. Ouais. La guitare, beaucoup, je dois t'avouer. La guitare. C'est, en ce moment, les mélodies me travaillent beaucoup. Je travaille chez un... Je prends des cours de guitare, j'ai un prof, j'essaye de travailler l'harmonie. Tout. Donc, je suis très travaillé par la mélodie, vraiment. Les suites d'accords, tout ça. Les mots, qu'est-ce qui me donne envie de décrire? Là, il y a un sujet qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le sujet du groupe, tu vois, du groupe excluant. Et ça, et même des gens qui sont très, a priori, ouverts d'esprit, peuvent avoir une espèce de ce phénomène de groupe. Ah oui, avec, okay. Ça, en ce moment, ça me parle. Le côté mouton, là. Oui, le côté caste, le côté mafia, le côté cercle fermé. Ouais. C'est quelque chose qui en ce moment m'agace. Qu'est-ce qui me... Je suis très, très porté aussi sur l'Europe de l'Est, comme j'ai fait du russe. J'ai peur. Je fais des textes, mais j'ai l'impression que c'est pas assez bien. Qu'il y a beaucoup aussi de préjugés de français de ma part, d'occidental par rapport à l'Orient. Donc il faudra que j'y aille pour faire des chansons dessus, je sais pas. Mais tu crois pas que la métaphore pourrait amener quelque chose? Si, sûrement, mais je fais toujours attention, si tu veux. J'ai toujours peur de... Du double sens? Ouais, de dire des choses fausses, de dire des choses convenues, qui me semblent vraies dans ma position, mais qui ailleurs peuvent être mal prises. Donc, ouais, mais en même temps, il faut que tu prennes position. Ah oui, tout à fait. Bien sûr qu'il faut que je prenne position. Mais pas bêtement, si tu veux. Pas en ne sachant pas. Mais ça peut être pour toi très sérieux, puis pour un autre, ça pourrait être, comme tu dis, bêtement. Il pourrait voir le côté frustre de la métaphore que tu as lancée. Et pour toi, c'est la métaphore qui englobait le mieux le sujet que tu voulais exploiter. Alors, certes, mais quand je, toi, quand je parle, par exemple, j'ai une chanson qui me traîne là sur l'Europe de l'Est. Pour moi, on a perdu, si tu veux, on a perdu l'après-guerre froide, après que la chute de l'URSS et du mur. On n'a pas du tout géré comme il fallait les pays de l'Est de l'Europe, pas du tout géré comme il fallait la Russie, ça se voit aujourd'hui. On les a abandonnés. On a fait n'importe quoi, on peut le dire carrément. Ouais. Et on ne s'est pas du tout renouvelé politiquement. On a continué à laisser finalement les États-Unis s'ingérer dans la politique européenne. Et surtout, j'ai le souvenir, parce que j'étais jeune, j'avais quoi, 10-11 ans, 12 ans à cette époque-là, j'ai le souvenir de l'espoir que la chute du mur a suscité dans ces pays. Un espoir, mais immense. C'est vrai. La déception est énorme. Oui. Énorme. Et pour moi, ça me fait mal, parce que cette chance historique qu'on avait, on ne l'a pas prise, quoi. L'humanité, l'Europe ne l'a pas prise. On a raté la courbe. On a raté totalement. Et ça me rend malade. C'est un truc qui me rend malade. Parce que ça ne reviendra plus, là. Voilà, mais c'est fini. Le moment historique, il est fini. La fenêtre, elle est fermée. Donc voilà. Et puis là, c'est la guerre. C'est foutu de chez foutu. Donc ça me rend malade. Je ne sais pas comment le rendre en chanson. Tu vois. J'avais un truc sur... sur l'Exode, c'est des pays dans l'Europe de l'Est où on fait peu de bébés, où les gens, la classe intellectuelle, souvent se barre en Occident parce que c'est mieux payé. Voilà. Et en même temps, est-ce que c'est vrai, ce que je lis des statistiques, il faudrait que j'aille dans ces pays-là pour. Il faut cette information. Hein. Oui, voilà. Donc j'ai préféré mettre ta chanson dans un tiroir et peut-être prendre le problème par un autre bout de la lorgnette. Voilà. Mais ce genre de sujet qui m'obsède et pour l'instant, dont je n'ai pas fait de vraies chansons, tu vois. Mais c'est un serpent de mer qui est là, qui tourne. Aimerais-tu, parce que sur ton album, il y a quelques chansons rigolotes, entre guillemets, aimerais-tu te lancer plus dans cet univers-là? Écoute, j'en ai une qui est prévue. Bien écrit, et quand c'est bien écrit, il y a la légèreté, puis la mélodie aussi, mais des paroles. Mmh, Donc c'est un peu comme lorsque un enfant fait des bulles avec un tuyau, donc on sent les bulles naître, et puis... C'est beau, ça passe en 3-4 minutes et ça nous rend heureux. As-tu le goût de toucher plus à ça? J'aime beaucoup les chansons un peu légères, un peu humor. J'aime bien des fois rigoler, je me marre un bon coup. J'écris une chanson qui me fait marrer, c'est ça le truc. Ouais. Et si ça me fait marrer, moi, je pense que ça peut faire marrer les gens. C'est un bon public. Oui, c'est ça, je suis un bon public. Moi, j'adore aller au spectacle, j'adore. Spectacle du monde? N'importe quoi, le théâtre, la chanson, j'adore qu'on me prenne à partie, qu'on me surprenne, qu'on m'emmène dans un ailleurs, tu vois, comme tout le monde, qu'on me raconte une histoire, moi j'adore ça. Et donc si moi j'arrive à faire la même chose, c'est tant mieux. Ouais. Et c'est vrai qu'en faisant des blagues, un truc un peu léger, c'est chouette, parce que ça nous fait passer un bon moment, quoi. Et puis c'est vite passé, la chanson est vite finie. Parce que Bobby Lapointe a fait sa carrière là-dessus. Ouais, ouais. Et ça reste fabuleux, 50 chansons, mais 50 joyaux. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as peut-être envie de faire un album uniquement humoristique? Alors, pour l'instant, j'ai envie de garder... J'ai envie de garder ce même équilibre entre pas mal de sujets. Effectivement, pour moi, un tour de chant, en tout cas dans un concert, il y a ces moments où on rigole, il y a ces moments où on est solennel, il y a ces moments où on est dans des entre-deux, il y a ces moments un petit peu de pause aussi. Des fois, c'est des chansons un petit peu plus, tu vois, pour respirer. Pas que les gens ils soient sans arrêt, sous pression, c'est tu vois. Il faut que ça vive un spectacle, il faut que du début à la fin, et ça c'est un rythme à trouver, c'est pour ça qu'il faut essayer, il faut les tenir, il ne faut pas les mettre sous pression tout le temps. Il faut aussi les relâcher, les reprendre. Exactement. Voilà. Et pour moi, un album, c'est la même chose. C'est comme un tour de chant. C'est un peu plus court, évidemment, parce que déjà, il faut avoir l'argent pour faire les 30 minutes de chanson, tu vois. Mais c'est la même chose. Il faut tenir du début à la fin, si possible, l'auditeur. Si tu le tiens 4 chansons, c'est miraculeux. Si tu le tiens 10 chansons, alors... Tant mieux. Ouais. Mais lorsque tu as fait ton album, à quel moment tu t'es dit, bon, ben cette chanson-là, je la vois plutôt avant elle, l'autre ici, il irait plus en bas, et puis, non, je recommence. Est-ce que c'était compliqué de trouver l'ordre des chansons? Alors ça s'est fait à la fin, vraiment, une fois que tout a été... Oui, ça s'est fait tout à la fin. Okay. Hein. On avait... ça a été compliqué. On a eu du débat sur les chansons, quelles chansons mettre, parce que j'en avais, depuis le temps que je fais des chansons, j'en avais énormément. Ouais. Donc, quelle chanson mettre sur l'album? Ça, c'était un débat avec le réalisateur, arrangeur, Shelly Schumann, ouais, dont on t'a déjà parlé, je pense. Scott Loris a fait son album avec lui, Abir a fait son album avec lui. Ouais. Oui, Shelly, il est super. Hein. Oui, je trouve aussi. Tu peux pas tomber mieux que ça. Hein. Je trouve aussi. Ouais. Écoute, t'en es d'accord. Mais bah, écoute, j'en rencontrerai peut-être d'autres super des arrangeurs, mais lui est top. Parce que les trois albums que tu m'as nommés, c'est vraiment des joyeux. Je suis d'accord. Voilà, et donc pour ces chansons, pour les choisir, donc au début, il m'a dit, je t'ai dit, bon, on vient avec 20 chansons, et puis moi, je vais te les attaquer sévère, et comme ça, il va falloir que tu les défendes, savoir lesquelles finalement tu as vraiment envie de garder. Et on s'est mis d'accord sur ces 10-là. Il y en a deux qui ne sont pas encore sortis, que je vais sortir en single, donc une cette année normalement. Et pourquoi tu n'aurais pas pu faire un album de 12 titres? Parce que, figure-toi que je voulais sortir un vinyle, et que pour sortir un vinyle, les 12 titres étaient trop longs. Donc, mais j'ai toujours pas sorti mon vinyle parce que c'est super cher. J'aimerais bien le sortir. Mais c'est cher. Voilà. C'est pour ça. Et puis je me suis dit que ça me ferait un petit peu aussi de. C'était tellement d'investissement, de temps, d'argent que me garder deux trucs pour la suite, c'était pas plus mal. Comme je suis très malade, bien qu'en très bonne santé, pour me guérir, voilà ce qu'à vrai dire je fais. Je prends ma voiture, l'autobus, j'y vais à pied, à cheval, en calèche, toujours le même trajet. Puis je compose un code dont je me souviens jamais, pour finir dans une salle où il vient me chercher. Mon psy, qui va tout écouter, mon psy, son fauteuil rembourré, mon psy, que je paye pour m'aider. Une fois bien allongée, mon âme fait ce qu'elle peut. Et quand je me tais, règne un calme merveilleux. Que j'arrive bien à l'heure, en avance ou en retard, mon psy c'est quelqu'un de pas vraiment bavard. Je lui conte mes problèmes d'être humain civilisé, que je suis peut-être homo, qu'il faut pas que je boive trop. Mon psy, il comprend ça très bien, mon psy, il est là pour mon bien, mon psy. Il est à moi, j'y tiens. Chacun sa vie, chacun son psy. Chacun ses soucis, tout petit souci. Chacun son chien, chacun son chat. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Pour aller en voir un, il faut avoir les moyens. Il y en a qui les ont pas, puis qu'en aurait besoin. À partir de 50 euros, c'est bon marché. Si t'en trouves un à 20, c'est qui va t'arnaquer. Quelle force obscure me pousse à lâcher tant d'argent? Je ne sais pas trop, mais bon, ça doit être important. Mon psy, il dit il dit oui, mon psy. Je ne couche pas avec lui, mon psy. Il en voit un aussi. Chacun sa vie, chacun son psy. Chacun ses soucis, tout petit souci. Chacun son chien, chacun son chat. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. À la fin de la séance, il dit à la prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je prolonge mon week-end. Revenez dans un mois, prenez le temps qu'il faut pour entendre ce qui cloche au fond de votre cerveau. Et vous, vous partez où? Ah bon, vous ne partez pas? Ça tombe bien, on en parlera la prochaine fois. Mon psy, c'est l'aventure moderne, mon psy. Il rend la vie moins terne, mon psy. Guérison à long terme. Chacun sa vie, chacun son psy. Chacun ses soucis, tout petit souci. Chacun son chien, chacun son chat. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Quand j'étais petit, il m'a griffé le bras. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.